السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة الميكرو. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم، بارك الله فيكم، شوف حمد، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، les louanges sont à Allah. Nous lui adressons donc les louanges et nous lui demandons de couvrir d'éloges et de saluer son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci dit, يقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah a dit dans son noble livre, Alif Lam Mim, les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire nous croyons sans pour autant être éprouvés? Certes, nous avons éprouvé ceux qui sont venus avant eux. Et c'est ainsi que se distingue ce qu'Allah savait déjà de ceux qui sont véridiques et de ceux qui sont menteurs dans leur prétention. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال فتنا كقطع من الليل المظلم يصبح فيها المؤمن كافرا أو يصبح فيها المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه لغرض من الدنيا. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: devancez en œuvrant, en accomplissant des œuvres, des périodes de troubles telles des parcelles de nuit obscures, durant lesquelles l'individu se retrouvera au matin croyant et au soir mécréant, et le soir croyant, et le matin mécréant, du fait qu'il en vient à vendre sa religion à cause d'un intérêt de ce bas monde. فهذه الفتن تؤثر على سلوك العبد وتؤثر على سيره إلى ربه تبارك وتعالى وتؤثر على استقامته على الصراط المستقيم. فمن هذه الفتن ما بها يضل العبد والعياذ بالله، من ذلك أن في الفتنة ما يسبب البعد عن دين الله تبارك وتعالى، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة والعينة هي صورة من صور الربا إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وهذه الأمور الثلاثة هي من عناوين حب الدنيا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم الجهاد في سبيل الله وترك ذلك عنوان كراهية الدنيا كراهية الموت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه الأمور الأربعة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ومن هذه الفتن فتنة الركون إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة فعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تتادع عليكم كما تداعت الأكلة على قسعتها فقال قائل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم كثير لكنكم كثير كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة لكم وليقذفن في قلوبكم الوهن فقال قائل ولعله السائل الأول أو سائل آخر المهم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما الوهن يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت Il faut savoir que les troubles qui ont été annoncés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui relève du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa création. En effet, il fait partie du décret d'Allah qu'il éprouve ses serviteurs afin que se distingue celui qui est véridique et qui est droit de celui qui n'est pas droit et qui ment dans ses prétentions. Il faut savoir que ces troubles-là ils ont un impact direct sur le cheminement du serviteur, sur sa manière de cheminer vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Il faut savoir que ces troubles ont un impact direct sur sa droiture et sur sa manière de se comporter dans ce bas monde vis-à-vis du Seigneur qu'il a créé et qu'il adore, et vis-à-vis de sa propre personne, et vis-à-vis également d'autrui. Ces troubles-là, ils sont des causes de l'éloignement de la religion. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous aurez recours à Al-Ina » Al-Ina, il faut savoir que c'est une forme de vente usuraire. Ça fait partie donc de l'usure, de ce qu'on appelle les intérêts, bien que le qualificatif qui convient le plus à ce qu'on appelle al-riba, c'est l'usure, plutôt que les intérêts. Naam, al-ina, c'est une forme d'usure. C'est une forme de riba. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, lorsque vous aurez recours à al-ina, et que vous vous mettrez à suivre les queues des vaches, et que vous vous contenterez de vos plantations. Ces trois points-là que le prophète, sallallahu alayhi wa salam, a mentionné, il faut savoir qu'il renvoie à l'amour de ce bas monde et au fait de faire passer les intérêts de ce bas monde avant l'intérêt de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continue en disant « Et que vous délaisserez la lutte dans le sentier d'Allah. » Et le fait de délaisser la lutte dans le sentier d'Allah, c'est synonyme d'insouciance vis-à-vis de la mort et vis-à-vis de l'au-delà. Suite à cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est là la conséquence des choses qu'il a annoncées, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous fera subir une humiliation à laquelle il ne mettra à laquelle il ne mettra fin que lorsque vous serez retourné à votre religion. Donc, on comprend à partir de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons y revenir incha'Allah, que tout ce qu'il a mentionné au début de ce hadith, c'est synonyme d'éloignement de la religion. Et les différents troubles, les différentes épreuves qui ont été mentionnées sont des causes de l'éloignement de la religion. Également, il faut savoir que les troubles et les épreuves qui touchent l'individu peuvent le mener à se perdre dans ce bas monde et à œuvrer uniquement pour ce bas monde en faisant passer ce dernier avant l'au-delà. Et également, ces troubles-là peuvent le mener à être insouciant vis-à-vis du jour dernier et vis-à-vis de l'au-delà de manière générale. Il faut donc se rendre compte que ces troubles ont un impact direct sur le comportement du serviteur, à moins que ce dernier ne réagisse d'une manière noble et qu'il fasse partie des véridiques et de ceux qui font preuve d'endurance, de droiture lors des épreuves et qui répondent favorablement à ce type d'épreuve-là. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْفِتَنَ تَتَسَبَّبُ فِي افْتِرَاقَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قد أخبر بحصول هذا الافتراق فقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية أخرى سأله بعض أصحابه رضوان الله عليهم قائلين ومن هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il faut savoir également que ces troubles sont autant de situations qui mènent à la division de cette communauté. Cette même division que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncée. Lorsqu'il a dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous sont en enfer sauf un. Et ce groupe-là, c'est la jama'a. Le principe de jama'a, il a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une autre version de ce hadith qui nous informe que certains compagnons alors présents l'ont questionné en lui disant « Quel est ce groupe au messager d'Allah ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Alors, ce sont ceux qui sont sur quoi je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. » Nous retenons donc de ce hadith le fait que l'épreuve de la division devait apparaître dans cette communauté, comme l'a annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle est apparue, comme peut le constater quiconque observe ce qui se passe dans sa communauté d'un regard alerte et éveillé. ومن ذلك أيضا أن هذه الفتن تتسبب في حصول الاختلاف الذميم المذموم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وذاكم الاختلاف هو مرادف للافتراق الذي سمعتم أو سمعتموه في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه العرباد بن السارية عليكم أو أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقد أخبر بحصول هذا الافتراق وهذا الاختلاف المذموم وسنعود إلى ذلك إن شاء الله تعالى. Également, parmi les conséquences des troubles et des épreuves qui touchent cette communauté, l'apparition de la divergence qui est religieusement blâmée, cette sorte de divergence qui est synonyme de la division que nous avons mentionnée à travers ce hadith que vous venez d'entendre, prononcé par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Concernant cette divergence blâmable et blâmée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a rapporté de lui Al-Irbad ibn Sariya, je vous recommande la crainte pieuse d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui prend le dessus sur vous est un esclave, car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Cramponnez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Mordez-la à pleines dents et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion. Car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. On retrouve dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'allait survenir cette épreuve, l'épreuve de la divergence que nous retrouvons dans ce hadith et vers laquelle nous allons revenir ultérieurement, incha'Allah ta'ala. Wa al-muta'ammil fi hadhihi al-ahadith yajidu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam كما أنه أخبر بهذه المشكلات والفتن أخبر بالحلول الشرعية التي بها تحصل النجاة من هذه الفتن ومن هذه المشكلات فلعلنا نعود إلى تلكم الأحاديث النبوية الشريفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال بادروا بالأعمال فتنا فحثنا على الإكثار من الطاعات وأرشدنا إلى العمل في وقت الفتن ونجد كذلك أنه أرشدنا وحثنا وأمرنا بالرجوع إلى الدين كما جاء في حديث ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وكذلك من الحلول التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم أن نجعل الآخرة نصب أعيننا وذلك بذمه صلى الله عليه وسلم للركون إلى الدنيا وللغفلة عن الآخرة كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم وليقذفن في قلوبكم الوهن فلما قال له قائل وسأله وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وهذا الخبر جاء عنه صلى الله عليه وسلم على وجه الذم والإنكار فعلينا أن نجعل الآخرة نصب أعيننا وأن نزهد في الدنيا كما حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. Le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a annoncé ces problèmes et ces troubles et ces dissensions qui allaient toucher la communauté. Comme nous avons pu nous en rendre compte dans les quelques textes qui ont pu être mentionnés. Et celui qui analysera et méditera ces textes se rendra compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas limité à la mention du problème. Mais il a également mentionné la solution qui nous permet, par permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'appréhender au mieux ces problèmes, ces troubles et ces dissensions, et de s'en sortir sain et sauf. C'est ainsi que nous trouvons que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'allaient survenir des troubles et des dissensions au sein de cette communauté, il a orienté les membres de sa communauté vers le fait d'œuvrer. Et vous avez entendu qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, devancez en accomplissant des œuvres, des troubles, tels des parcelles de nuit obscures, jusqu'à la fin du hadith. Donc il a orienté vers le fait d'œuvrer, vers le fait de chercher à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, vers le fait de chercher à lui obéir, azza wa jal. Également, nous trouvons que le prophète alayhi salatu wa salam a ordonné de revenir à la religion. Comme dans le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma, lorsqu'il a annoncé sallallahu alayhi wa sallam l'éloignement de la religion et l'état d'humiliation qu'allait connaître sa communauté sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cet état d'humiliation, Allah n'y mettra un terme que lorsque nous retournerons à notre religion. Donc ça fait partie également des solutions prônées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Également, nous trouvons que parmi ces solutions, il y a le fait de faire passer l'intérêt de l'au-delà avant l'intérêt de ce bas monde. Étant donné que dans le hadith de Thawban, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il mettra, c'est-à-dire Allah, et il mettra dans vos cœurs el-wahn. Je ne sais pas si je l'ai traduit auparavant le hadith. J'ai traduit le hadith Thawban auparavant ou pas? Je ne l'ai pas traduit. Donc je reviens sur le hadith de Thawban. Le hadith de Thawban, c'est le hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les communautés sont sur le point de vous tomber dessus comme ceux qui sont conviés à un repas se jettent sur le repas qui leur est présenté. Les compagnons ont alors dit, est-ce que c'est à cause de notre faible nombre ce jour-là au messager d'Allah? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit non, mais vous serez plutôt nombreux, mais vous serez plus nombreux tel l'écume de la mer. C'est-à-dire l'écume de la mer, tu y trouves, elle est en quantité importante, mais elle réunit en elle le bon et le moins bon. Donc il a dit, mais vous serez nombreux tel l'écume de la mer. Et Allah, il va ôter des cœurs de vos ennemis la crainte qu'ils avaient de vous, et il mettra dans vos cœurs el-wahn, c'est-à-dire la faiblesse. Un des compagnons a alors posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, quelle est donc cette faiblesse au messager d'Allah? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est l'amour de ce bas monde et la répulsion relative à l'au-delà. Donc on retrouve dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé ce type de comportement. Et cela contient le fait d'orienter sa communauté vers le fait de faire passer l'au-delà avant ce bas monde, ce qui compte parmi les solutions qui permettent de sortir, par permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ce genre de situation problématique et de ce genre de période de troubles, de dissensions et d'épreuves. Wa kadhalik مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من تلكم الحلول الموافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لما ذكر صلى الله عليه وسلم الافتراق الحاصل في أمته عليه الصلاة والسلام ولما سئل عن الفرقة الناجية قال صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي Également parmi les solutions prônées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'être en conformité avec sa voix et la voix de ses compagnons. Étant donné que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'allait survenir la division dans sa communauté, et lorsque la question lui a été posée concernant le groupe qui allait être sauvé de l'enfer, il a dit c'est le groupe de ceux qui sont sur quoi je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. Donc, pour réagir correctement à cette épreuve, l'épreuve de la division, il convient de chercher à être en conformité avec la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la voix de ses compagnons, ridwanullahi alayhim. وكذلك مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما نجده في حديث العرباض بعدما ذكر الاختلاف الكثير قال فعليكم بسنتي فمن الحلول التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كذلك والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فمن الحلول التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لزوم غرز علماء السنة النبوية وقد أشار إلى ذلك في ذاكم الحديث العظيم حديث العرباض ابن السارية رضي الله عنه فإنه أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وقارن سنتهم بسنته صلى الله عليه وسلم فإنه قال تمسك بها والضمير هنا يرجع إلى شيء واحد بينما المذكور قبل ذلك أكثر فإنه ذكر سنتين ثم استعمل ضميرا يرجع إلى مفرد مما يدل على أن سنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده موافقة لسنته صلى الله عليه وسلم وفيه إشارة إلى أن على المسلمين أن يلزموا غرز علماء السنة في كل وقت وفي كل جيل وفي كل عصر فكما أنه كان على أصحابه رضوان الله عليهم أن يلزموا غرز الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم فعلى من جاء بعدهم أن يلزموا غرز علمائهم في زمانهم. Également parmi les solutions prônées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le fait de se cramponner à sa sunnah. Nous trouvons dans le hadith al-Irbad que vous avez entendu et que vous connaissez, barakallahu fikum, que le prophète alayhi salatu wa sallam a annoncé cette grande division, cette division nombreuse qui allait toucher sa communauté. Et suite à cela, il a dit, cramponnez-vous donc à ma sunnah. Et ensuite, il a cité, mordez-la à pleines dents. Donc, ça fait partie également des solutions. Et il a également cité le fait de rester fidèle aux ulama de la sunna. Il a indiqué cela en disant, cramponnez-vous à ma sunna et cramponnez-vous à la sunna des califes bien guidés après moi. C'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et il a même lié leur sunna à la sienne, étant donné qu'il a dit « Cramponnez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. » Donc il a fait mention de deux sunna. Mais suite à cela, il a dit « Mordez-la à pleines dents » en renvoyant à quelque chose d'unique, ce qui indique que ces deux sunna en vérité vont dans le même sens et que la sunna des califes bien guidés et est en conformité avec la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière qu'il incombait aux compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de rester fidèles à leur calife bien guidé, eh bien, il nous incombe, après eux, de rester fidèles aux ulama de la sunna à chaque époque. Il incombe aux musulmans, après l'époque des compagnons, de rester fidèles à leur époque aux ulama de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. ومن الممكن أن نلخص هذه الأسباب المنجية بإذن الله تبارك وتعالى من الفتن في سببين، ونعتمد في ذلك على هذا الحديث العظيم، حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، فإنه قال: فعليكم بسنتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالسبب الأول وقد ذكرناه من قبل، وهو التمسك بالسنة، والثاني لزوم غرز علمائها. وهذان سببان يجمعان ما ذكرناه من أسباب أخرى قبل. السبب الأول يحصل بالجد في طلب معرفة السنة حفظا وفهما، ولذلك أثر عظيم في النجاة من الفتن. وقد أثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، أنه قال: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، والعياذ بالله. وهذا مصداق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة شاب من أهل المدينة، وهي قصة صحيحة تجدونها في الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن شابا من أهل المدينة خرج إلى الدجال، فذهب إليه منكرا له، كافرا به، فشقه الدجال إلى الشقين، ثم أعاد الشقين إليه، فأمره أن يؤمن به، فأجاب هذا الشاب المدني قائلا: والله ما زدت بك إلا كفرا، أنت الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاب كان له معرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالخبر الصحيح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقصة الدجال، فاعتمد على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لينكر على الدجال، وليقول: لا، أنت الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت معرفته بالسنة الصحيحة سببا في نجاته من هذه الفتنة التي نتعوض بها في صلواتنا. Il est possible que nous résumions les différentes causes qui nous mènent, par permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, à être épargnés et à sortir sains et saufs de ces périodes de troubles et de ces périodes de dissensions et de ces épreuves. Il est possible que nous les résumions en deux causes. Ces deux causes, que nous retrouvons dans le hadith d'Al-Arbad ibn Sariyah. Le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir annoncé qu'allait survenir cette divergence nombreuse au sein de sa communauté, il a dit: cramponnez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi, mordez-la à pleines dents. Et nous avions dit que cela revenait à être cramponné à la sunna d'une part, et c'est là le premier, ou la première des deux causes sur laquelle je souhaiterais insister ce soir durant cette modeste assise, que nous espérons toutefois être bénis. Et le deuxième, ou la deuxième des causes, c'est le fait de rester fidèle aux ulama de la sunna. La première de ces causes-là, afin de pouvoir en bénéficier, il convient que nous fournissions des efforts dans l'étude de la sunna. Car pour te cramponner à une chose, il faut que tu la connaisses. Pour te cramponner à la sunna, il faut que tu connaisses cette sunna. Ça nécessite donc des efforts d'apprentissage. Ça nécessite de la mémorisation. Ça nécessite de chercher à connaître et à comprendre cette sunna, conformément à ce qu'en a voulu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette connaissance-là, et le fait de se cramponner à cette sunna, a un impact direct et important sur le fait d'être préservé des troubles dont nous parlons actuellement. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, citait un exemple en disant, et faisait une comparaison en disant, la sunna, c'est comme l'arche de Noé. Quiconque y embarque est sauvé, et quiconque en déroge est voué à la perdition, qu'Allah nous en préserve. Il a d'ailleurs été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le récit d'un jeune homme faisant partie des habitants de la ville de Médine. Et ce récit est authentique, il a entre autres été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique. Il est rapporté donc que ce jeune médinois croyant, lorsque le Dajjal va apparaître, il va se présenter à lui et il va réprouver ses agissements et il va clairement exposer le fait qu'il mécroit en lui, c'est-à-dire qu'il mécroit au Dajjal. Et le Dajjal va alors couper son corps en deux. Et suite à cela, et tout ça bien sûr par permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, suite à cela, il va réunir les deux parties de son corps qu'il avait auparavant coupé en deux. Et suite à ce que l'on pourrait considérer comme étant un miracle, il va dire à ce jeune homme, croyant de Médine, il va lui ordonner de croire en lui. Mais ce jeune croyant médinois va lui répondre, par Allah, ma mécréance en toi n'a fait qu'augmenter, car c'est bien de toi, ou c'est bien contre toi que nous avait mis en garde le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc regarde ici comment la connaissance de ce jeune croyant médinois de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et comment le fait qu'il soit resté cramponné à ce qu'il connaissait de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui a permis, par permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ne pas se laisser embrouiller par le Dajjal, et a fait qu'il est resté ferme et n'a pas succombé à la tentation. وإذا كنا نريد أن نتعلم هذه السنة وأن نحفظها وأن نتفهم معانيها فلا بد من معرفة الكتب التي نجد فيها تلكم الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من معرفة جهود أهل العلم الذين جمعوا هذه الأحاديث وميزوا صحيحها من ضعيفها منها الصحاح كصحيح البخاري وصحيح مسلم إلى غير ذلك من الكتب الصحاح وكذلك الجوامع كجامع الترمذي والمسانيد كمسند الإمام أحمد وغيره رحمه الله، وكذلك كتب السنن كسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وغيرها من الكتب التي نجد فيها هذه السنة. فلا بد من معرفة جهود أهل العلم علماء السنة النبوية الذين أفنوا أعمارهم في البحث عنها وتمييزها أو تمييز صحيحها من ضعيفها وسقيمها. وكذلك لا بد من معرفة جهود المتأخرين في تقريب علوم المتقدمين، وفي عصرنا جهود بعض علماء السنة كشيخ الألباني رحمه الله تعالى وشيخ مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله وغيره، وهم كثر كأحمد شاكر والشيخ المعلمي وشيخ ابن باز وشيخ ابن العثيمين وشيخ ربيع ابن هادي المدخلي وغيرهم، وهم كثر رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي. Il est impératif afin que nous puissions connaître cette sunna, la mémoriser et la comprendre comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu que nous la comprenions. Il est impératif que nous connaissions les livres dans lesquels nous pouvons trouver ces hadiths, dans lesquels nous pouvons trouver cette sunna. Il est donc impératif de connaître les livres qui ont été écrits par les ulama de la sunna, qui ont fourni des efforts considérables, gigantesques, immenses, afin de réunir les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et afin de distinguer les hadiths qui sont authentiques de ceux qui ne le sont pas. Ce sont des efforts gigantesques qu'ils ont fournis. Ils ont dédié leur vie afin de mettre à la disposition de la communauté les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'une part, et d'autre part afin de distinguer ce qui en est authentique de ce qui a été attribué au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tout en étant faible, voire apocryphe, inventé et mensonger. Lorsqu'un hérétique, à l'époque de l'imam Abdullah ibn Mubarak, qui faisait partie des premières générations de cette communauté et qui comptait parmi les grands ulama du hadith, lorsqu'un hérétique s'était vanté devant lui d'avoir forgé un nombre important de hadith en les attribuant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sur un ton ironique et méprisant à Abdullah ibn Mubarak, il lui a dit: qu'allez-vous donc faire de tous ces hadiths que j'ai moi-même inventés et que j'ai attribués à votre prophète alors qu'il ne les a pas dit? Abdullah ibn Mubarak, du fait de la certitude qu'il avait en Allah tabaraka wa ta'ala et en sa promesse azza wa jal, et du fait de la connaissance qu'il avait de la religion, il lui a répondu: il y a d'éminents savants qui dédient leur vie afin de reconnaître ces hadiths-là et afin d'exposer leur fausseté. Et c'est effectivement ce qui se passe, et ce jusqu'à notre époque. Des ulama qui consacrent leur vie tout entière afin de distinguer ce qui de la sunna est authentique de ce qui a été attribué au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il ne l'a pas prononcé. Et Abdullah ibn Mubarak, il s'est basé sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui sommes garants de sa préservation. Et le rappel ici, il vise à la fois le Coran, la parole d'Allah incréée, et il vise également la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les fruits des efforts de ces ulama, il y a les hadiths ou les, plutôt les livres de hadith qui sont authentiques, que l'on appelle as-sihah, comme le livre Sahih al-Bukhari ou la Sahih Muslim, le recueil authentique d'Al-Bukhari, le recueil authentique de Muslim. Il y a également les livres qui sont intitulés al-Jawami', al-Jawami', comme le Jami' de l'imam al-Tirmidhi. Il y a également les livres qui sont appelés al-Masanid, comme le Musnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il y a également les Sunan, comme les Sunan d'Abi Daoud, ou ceux de al-Nasa'i, ou encore les Sunan d'Ibn Majah, et d'autres parmi les livres qui ont été écrits par les ulama de la Sunna, dans lesquels ils ont réuni les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux connaître la Sunna du messager, alayhi salatu wa salam, tu dois passer par ces livres-là, et par les efforts fournis par les ulama dans le recensement des hadiths du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Et il est également important de connaître les efforts fournis par les ulama contemporains dans la simplification des travaux qui ont été faits par les anciens. À notre époque, les travaux de l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, ou ceux de l'imam Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ou ceux de Ahmed Shakir rahimahullah, ou ceux encore d'El Muallimi rahimahullah, ou encore d'Ibn Baz ou d'Ibn Al-Uthaymin, ou de Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhani, qu'Allah la fasse à tous ample miséricorde, qu'il fasse miséricorde à ceux qui parmi eux sont morts, et qu'il préserve ceux qui parmi eux sont encore vivants, et qu'il allonge leur existence dans son obéissance à Azza wa Jal. وهذا يدرنا إلى السبب الثاني وهو لزوم غرز العلماء علماء السنة لا سيما في وقت الفتن وهذا الأمر متقرر في كتاب الله تبارك وتعالى فقد قال عز وجل على وجه الإنكار فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وجاءت الإشارة إلى هذا السبب الثاني في حديث العرباد كما سمعتم غير مرة وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وأمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا والعياذ بالله أعيد لا يزال الناس بخير هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وأمنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا والعياذ بالله. La seconde cause que nous avons mentionnée, c'est le fait de rester fidèle à la voix des ulama de la sunna. Et cette chose-là, elle est établie dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Surtout en période de trouble. En effet, il a dit, en blâmant les personnes qu'il visait dans ce verset, et lorsque leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils s'empressent de la diffuser. Alors que s'ils l'avaient présentée aux messagers ou à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement, ceux qui sont aptes à l'élucider l'auraient comprise comme il se doit. Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala, il a blâmé le fait que lorsque nous parvient une nouvelle, qu'elle soit alarmante ou rassurante, on s'empresse de la diffuser et qu'on ne la renvoie pas vers ceux qui sont aptes à l'élucider et à la comprendre comme il se doit. Et ça, c'est une aide d'orientation très importante de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, surtout en période de trouble, en période de dissension et en période d'épreuve. Nous devons de rester fidèles à ceux qui sont aptes à élucider les choses et à les comprendre comme elles se doivent. Et ils ne sont autres que les ulama de la sunna. qu'Allah leur fasse miséricorde et préserve ceux qui parmi eux sont encore vivants. Et comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, nous trouvons également une indication de cela dans le hadith al-Irbad ibn Sariya, radiallahu an. Ibn Mas'ud, radiallahu an, a dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils prendront la science de ceux des plus grands parmi eux. Et de ceux parmi eux qui sont dignes de confiance. Et de ceux parmi eux qui font partie des ulama. Car lorsqu'ils commenceront à prendre la science de ceux parmi eux qui sont jeunes ou de ceux parmi eux qui sont mauvais, alors à ce moment-là, ils seront voués à la perdition et qu'Allah nous en préserve. إذن لا بد من لزوم غرز هؤلاء العلماء ولا بد من إدراك أمر مهم وهو أنه يتميز في كل جيل من الأجيال من هذه الأمة علماء يتميزون في فهم الأمور وإدراكها وفي فقه الفتن ففي زمن الصحابة كان بعضهم يتميزون عن غيرهم في معرفة الفتن كحذيفة بن اليمان رضي الله عنه فإنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه كما تعرفون عنه رضي الله عنه وقد جاء في صحيح مسلم أنه قال رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافة أن يدركني فأطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على أمور كثيرة تخص بالفتن فكان خبيرا بها وتميز عن غيره في معرفتها وفي زمن التابعين تميز الحسن البصري عن غيره من التابعين في معرفة الفتن فقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في السير عن يونس ابن عبيد رحمه الله أنه قال كان الحسن البصري من رؤوس العلماء في الفتن والدماء فكان الناس ينظرون إلى قوله رحمه الله وممن جاء بعدهم علماء تميزوا عن غيرهم في معرفة هذه الأمور في معرفة الفتن وفي فقهها منهم عبد الله بن مبارك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من العلماء إلى عصر ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه رحمهم الله إلى عهد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وإلى عصرنا هذا فإننا نجد في عصرنا هذا علماء تميزوا عن غيرهم في معرفة الفتن منهم أكابرهم كأمثال الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله بن الغديان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وصالح آل الشيخ وشيخ ربيع بن هادي المدخلي وشيخ أحمد النجمي وشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي وشيخ محمد بن هادي بن علي المدخلي وشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري وغيرهم من العلماء كأمثال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وغيرهم وهم كثر بحمد الله تبارك وتعالى الذين يقفون في وجه المتحزبة الحركيين الذين يحاولون أن يضلوا عامة المسلمين عن الصراط المستقيم والذين ينطبق عليهم الوصف الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الشر لما قال كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه دعاتنا لأبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقال له حذيفة رضي الله عنه صفهم لنا يا رسول الله فقال قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ثم قال له حذيفة ماذا تأمرني به إذا أدركني ذلك فقال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فهؤلاء الجهابذة العلماء النبلاء يقفون ضد هؤلاء الذين يحاولون صرف الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم من مات منهم وأن يحفظ من بقي والله المستعان. ومما جاء عن أسلافنا رحمهم الله ما ذكره يوسف ابن أسباط رحمه الله فقد حكى أنه ابتلي بأقاريب كانوا منغمسين في البدعة منهم من انغمس في بدعة الرفض ومنهم من وقع في بدعة القدر فكان يحكي هذا البلاء الذي أصاب أهله وأقاربه ثم قال فأنقذني الله بسفيان الثوري. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. وقد جاء عن سلفنا الصالحين أنهم قالوا رحمهم الله من توفيق الله للحدث والعجم أن يوفق لصاحب السنة، فهذا من توفيق الله تبارك وتعالى وهذا من فضله جل جلاله. وكذلك نحن نقول في هذا العصر كان يهددنا خطر البدعة والضلال وتحزب، فأنقذنا الله تبارك وتعالى بهؤلاء الجهابدة الذين أفنوا أعمارهم في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على أنعمه الكثيرة التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بنا أن هيه لنا هؤلاء الجهابذة الذين كشفوا ضلال هؤلاء وردوا عليهم رحمة الله عليهم. ولولا الله تبارك وتعالى ثم هؤلاء لربما وقعنا فيما يوجب سخطه تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى المزيد من فضله جل وعز. ومما جاء من قصص سلفنا الصالحين ما يظهر عقوبة الذين لا يمتثلون بوصايا هؤلاء ونصائحهم وإرشاداتهم، فقد جاء من قصة الحسن البصري رحمه الله في وقت الحجاج بن يوسف أنه جاء إليه بعض الرجال وسألوه فقالوا أرى، فقالوا له انظر إلى هذه الطاغية، يعني يقصدون بذلك الحجاج بن يوسف، فقد سفك الدماء وترك الصلاة وفعل كذا وكذا وعددوا ما فعل من الشر واستأذنوه في الخروج علي، فقال لهم يعني الحسن البصري رحمه الله أرى أن لا تقاتلوا فإن تكو عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن تكو بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثم خرجوا من عنده رحمه الله متهكمين وقالوا أنطيع هذا العجل العلج، فخرجوا على الحجاج من يوسف مع ابن أشعث فهلكوا وقتلوا كلهم. فهذه عقوبة الذين لا يمتثلون لوصايا وإرشادات هؤلاء العلماء الخبراء الذين يعرفون هذه الأمور ويقفون الموقف السني الصحيح في وقت هذه الفتن. وكذلك جاءت قصة أخرى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ذكرها الخلال في السنة عن أبي الحارث، ونجد فيها ثمرة نزوم غرز علماء السنة. فقد قال أبو الحارث كما ذكره الخلال في السنة: سألت أبا عبد الله، ويقصد بأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، يعني يقصد بذلك فتنة خلق القرآن لما ظهر بعض المبتدعة وهم الجهمية قبحهم الله، وزعموا أن القرآن مخلوق، فوقعت فتنة عظيمة على علماء السنة. فقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك، يعني لا أرى الخروج ولا أمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه؟ قلت، يعني أبو الحارث قال وأجاب على الإمام أحمد قائلا: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ فأجاب الإمام أحمد رحمه الله: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، والصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة ويقول: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. وهؤلاء الذين هموا بالخروج توقفوا ولزموا غرز هذا العالم الجليل، فانتهت هذه الفتنة وضعفت شوكة أهل البدعة وقويت شوكة أهل السنة بحمد الله تبارك وتعالى. فعلينا جميعا أن ندرك هذه الأمور وأن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر وأرشد ودل على نزوم غرز علماء سنته صلى الله عليه وسلم. Je vais essayer de résumer donc ce dernier point, étant donné que j'ai peut-être allongé le discours qui devait se terminer à l'heure où j'entame la traduction de ce dernier passage. Et je demande l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala pour me faciliter de vous résumer donc ce qui a pu être dit ici. Est-ce que vous pouvez vous avancer, barakallahu fikoum, pour laisser la place à ceux qui rentrent, afin qu'ils puissent prier. Jazakumullahu khayra. Il faut savoir, barakallahu fikoum, qu'à chaque époque et dans chaque génération de cette communauté, il y a des ulama qui se distinguent d'autres ulama dans la connaissance qu'ils ont des troubles et des dissensions et des épreuves, et dans la connaissance qu'ils ont des positions à adopter face à ce genre de troubles-là. C'est ainsi qu'à l'époque des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfah ibn al-Yaman se distinguait d'autres compagnons par le fait qu'il était très informé et très expérimenté en matière de troubles et de positions à adopter en temps de dissensions et d'épreuves. En effet, comme vous le connaissez, comme vous le savez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait informé de choses dont il n'avait pas informé d'autres compagnons. Et ce du fait que Hudhayfa, alors que les gens questionnaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien, il le questionnait à propos du mal par crainte qu'il ne l'atteigne. Et c'est ainsi qu'il avait connaissance de certaines choses relatives aux troubles qui devaient toucher la communauté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que d'autres compagnons ne connaissaient pas. C'était également le cas de Al-Hassan al-Basri qui faisait partie des tabi'in, c'est-à-dire de la deuxième génération de cette communauté, des disciples, des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Dhahabi a rapporté dans son livre Siyar, d'après Younus ibn Ubaid, qu'Al-Hassan al-Basri faisait partie des têtes des ulama en matière de position à adopter lors des troubles et dans tout ce qui était relatif aux dissensions qui peuvent toucher la communauté. Et il terminait sa parole en disant, c'est-à-dire Younus ibn Ubaid, en disant, c'est ainsi que les gens en son époque guettaient les paroles et les positions d'Al-Hassan pour savoir quelle position adopter lorsque survenaient les troubles. Et également lors des générations qui ont suivi, il y a d'autres ulama qui se sont distingués de leurs contemporains dans la connaissance qu'ils avaient des positions à adopter en temps de troubles et de dissensions, tels qu'Ibn Mubarak, tels que Sufyan al-Thawri ou Sufyan ibn Uyayna, ou encore l'imam Malik rahimahullah, ou encore l'imam Ahmed rahimahullah, et d'autres parmi les ulama de la sunna jusqu'à l'époque d'Ibn Taymiyyah et de ses élèves, qu'Allah leur fasse miséricorde, et jusqu'à l'époque de Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah, et jusqu'à notre époque durant laquelle bon nombre de ulama se sont distingués d'autres dans la connaissance qu'ils avaient des troubles et de la manière de se comporter en temps de troubles et de dissensions, certains que j'ai déjà mentionnés et d'autres dont ce n'est pas le cas, tels que le Cheikh Al-Albani rahimahullah, le Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Muqbil Ibn Hadi, Cheikh Abdallah Ibn Rudayan, Cheikh Ahmed Al-Najmi, Cheikh Zayd Al-Matkhani et d'autres, Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim avant eux, Naam, et également le Mufti actuel Abdelaziz Ali Cheikh et d'autres tels que le Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, le Cheikh Rabi Ibn Hadi Al-Matkhani, Cheikh Ubaid Al-Jabiri, Cheikh Mohamed Ibn Hadi Ibn Ali Al-Matkhani et d'autres parmi les éminents savants de cette communauté à notre époque qui se distinguent et continuent de se distinguer par le fait de connaître la position de la sunna vis-à-vis des troubles qui peuvent toucher et qui continuent de toucher cette communauté, ces mêmes troubles que nous constatons actuellement et dont nous déplorons l'existence. Yusuf ibn Asbath, rahimahullah, qui faisait partie des pieux prédécesseurs de cette communauté, parmi les premières générations, il racontait, comme cela a été rapporté de manière authentique le concernant, qu'il avait été éprouvé dans sa famille par des proches qui étaient tombés dans l'innovation. Certains, ils étaient touchés par l'innovation des Rawafid et d'autres par l'innovation des Qadariyya. Et il a dit, quant à moi, Allah m'a épargné par le fait que j'ai eu le privilège de côtoyer Sufyan al-Thawri rahimahullah. D'ailleurs, certains plus prédécesseurs disaient, il fait partie de la réussite qu'Allah accorde au jeune homme et à celui qui vient de se convertir, qu'il lui donne le privilège de côtoyer un adepte de la sunna. Et c'est donc là un privilège venant d'Allah, ainsi qu'une faveur, ainsi qu'un bienfait, qui est une grande cause qui permet de faire front face aux troubles et dissensions qui touchent cette communauté. Et nous pouvons dire, comme le disait Yusuf ibn Asbath concernant Sufyan al-Thawri, nous pouvons dire à notre époque que grâce à Allah tabaraka wa ta'ala et de par ses faveurs, il nous a épargné des méandres de l'égarement et de l'innovation et du sectarisme par le fait d'avoir pu connaître et d'avoir pu prendre connaissance des discours et des clarifications, éclaircissements et mises en garde des ulama contemporains de cette communauté, tels que ce que j'ai pu mentionner et d'autres. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui parmi eux sont morts et qu'il préserve ceux qui sont vivants et qu'il allonge leur existence dans son obéissance subhanahu wa ta'ala. Et tout cela relève des faveurs qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Et il a dit, Azza wa Jal dit, les faveurs d'Allah ainsi que sa miséricorde, c'est bien de cela dont ils doivent se réjouir. Et c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent amasser comme bien de ce bas monde. Et enfin, je terminerai en mentionnant deux récits, parmi les récits qui ont été rapportés des plus prédécesseurs de cette communauté, qui illustrent d'une part la punition qu'encourt quiconque ne suivra pas cette directive prophétique, à savoir le fait d'être fidèle aux ulama de la sunna, et d'autre part les conséquences bénéfiques du fait de leur rester fidèle et de suivre leurs conseils et orientations. Le premier des récits, c'est le récit d'Al-Hassan al-Basri, qui, comme vous l'avez entendu, faisait partie de la deuxième génération de cette communauté et qui comptait parmi les grands ulama de l'époque des tabi'in, c'est-à-dire les disciples des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des têtes des ulama dans la connaissance de la position à adopter vis-à-vis des troubles qui touchent la communauté. Et il a été confronté à son époque aux agissements d'Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui était un gouverneur qui s'était distingué par son injustice et qui avait commis beaucoup de torts. Certaines personnes sont venues le voir, c'est-à-dire ils sont venus voir Al-Hassan al-Basri et ils lui ont dit: regarde un peu cet individu, regarde un peu ce gouverneur, ce tyran. Ils ont dit ce tyran. Regarde ce qu'il a pu faire couler comme sang. Et regarde le fait qu'il a délaissé la prière et qu'il a fait ci et qu'il a fait ça. Et ils ont commencé à mentionner certains de ses mauvaises actions. Al-Hassan a dit: je vois que vous ne devez pas le combattre. Car si l'épreuve qui nous touche est une punition venant d'Allah, alors sachez que vous ne pourrez pas repousser la punition venant d'Allah avec vos sabres. Et si par contre c'est une épreuve venant de lui, alors il vous incombe d'endurer jusqu'à ce qu'Allah statue de par son jugement, car c'est bien lui le meilleur des juges. Et il a été rapporté que ceux qui étaient venus demander conseil à Al-Hassan sont sortis de chez lui en se moquant de lui et en ironisant et en disant: est-ce qu'on va obéir à ce ilj? Al-ilj, c'est un qualificatif qui vise celui qui n'est pas arabe. Naam. Et donc ils se sont moqués de lui de ce fait, et ils ont dit: est-ce qu'on va écouter cette personne-là et est-ce qu'on va lui obéir? Et ils se sont donc soulevés contre Al-Hajjaj en compagnie d'Ibn al-Ash'ath, et il a été rapporté qu'ils ont tous été tués et exécutés, et telle fut donc la punition du fait qu'ils n'ont pas suivi les recommandations et orientations de ce savant de la sunna. Et également, et c'est là le deuxième des récits qui illustre à l'inverse les conséquences heureuses et bénéfiques du fait de suivre les recommandations et les conseils des ulama, c'est le récit de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui à son époque a subi beaucoup de préjudices suite à l'épreuve relative à l'innovation qui s'était diffusée à son époque et qui avait été propagée par les Jahmiyyah, qui prônait le fait que le Coran est créé, alors que vous n'êtes pas sans savoir, barakallahu fikum, que le Coran c'est la parole d'Allah et qui est donc incréé. Mais ces innovateurs en sont venus à prétendre que le Coran est créé, et ils ont persécuté les ulama de la sunna, et ils ont même réussi à rallier à leur cause certains gouverneurs de leur époque. Al-Khalal a mentionné dans son livre Sunna d'après Abu al-Harith que ce dernier a questionné l'imam Ahmed ibn Hanbal à propos de ce qui se passait à Bagdad, c'est-à-dire en Irak. Et ce qui se passait, c'est justement ce que je viens de vous raconter. La persécution dont a été victime le ulama, dont ont été victimes les ulama de la sunna. Abu al-Harith a dit à l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a informé que des gens commençaient à songer à se rebeller, à se soulever contre le gouverneur. Et ils lui ont dit, ou plutôt il a dit à l'imam Ahmed, Ya Aba Abdillah, c'était son surnom, il lui a dit, Ya Aba Abdillah, que penses-tu du fait de participer à ce soulèvement avec ces gens-là? Et l'imam Ahmed ibn Hanbal s'est mis à fermement blâmer cela. Et il a dit, Subhanallah, pureté à Allah, craignez donc Allah par rapport au sang des musulmans. Le sang des musulmans, craignez Allah. Je ne vois pas qu'il faut faire cette chose-là, et je ne l'ordonne pas. et le fait d'endurer dans la situation dans laquelle nous sommes est bien meilleur que ce genre de troubles et de dissensions durant lesquels le sang va couler et durant lesquels les biens vont être violés ainsi que les honneurs vont être bafoués. Ne te rappelles-tu pas, donc il a dit à Abu al-Harith, ne te rappelles-tu pas dans quel état les gens étaient auparavant? Et Abu al-Harith, il lui a répondu, et les gens actuellement, tu ne trouves pas également qu'ils sont touchés par des épreuves et des dissensions à cause de tout cela? Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, lui a dit, même si c'est le cas, les troubles qui nous touchent sont restreints, étant donné que les troubles en question, ils étaient restreints et ils ne touchaient que les ulama. Notamment l'imam Ahmed, malgré tout, il n'a pas souhaité se rebeller. Il a dit par contre, si on commence à sortir l'épée et le sabre, alors à ce moment-là, ces troubles vont se généraliser et les routes vont commencer à être barrées. Et c'est pour cela que le fait d'endurer tout en préservant ta religion est bien meilleur pour toi que de participer à ce genre de choses-là. Abu al-Harith de conclure en disant, et je l'ai vu blâmer fermement le fait de se soulever contre les imams en disant, le sang des musulmans, craignez Allah par rapport au sang des musulmans. Je ne vois pas qu'il faut participer à ce genre de choses-là et je ne l'ordonne pas. Donc ici, c'est en résumé ce que j'ai pu vous exposer concernant ce sujet en vous incitant donc à bien méditer sur ces points-là. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous assister, de nous aider, de nous affermir sur la voie de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de nous aider à rester fidèles à la voie de ulama de la sunna. Et je lui demande de les préserver. Hafidhahumullah wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.